Okay. Là, à gauche, se déporter à droite, revenir un tout petit peu sur la gauche, sur environ 100 mètres, 7 fois à droite, 9 fois à gauche, 7 fois à droite, abandonner la voiture, abandonne la voiture, abandonne-la, abandonne-la, tu suis le long sentier, les petits fraisiers, sur environ 700 000 mètres, il y aura des ponts, il y aura des tunnels, au bout à gauche, au bout à droite. Et c'est là. Aime-moi tendrement, aime-moi véritablement. Tu veux une part de crumble? Et je, pour toujours et... Aime-moi tendrement, aime-moi véritablement. Souhait exaucé, car mon amour, je... Oh. Car mon amour, je... Thank you. C'est un sentiment facile, difficile, qui fait sortir de sa tête. Hey, pour aller vers l'autre, même quand parfois on n'est pas prêt complètement à y aller. Mais pour ceux qui ont essayé de vivre ce truc cauchemardesque et très très beau, trouveraient des conseils dans ce mode d'emploi. Ouais, un mode d'emploi non exhaustif. Alors, on va parcourir ensemble les grandes lignes de ce que peut être l'amour. L'amour chanté, l'amour parlé, l'amour physique, l'amour aveugle, l'amour fantasmé, l'amour des gratins, l'amour des poissons. L'amour, c'est avant tout une expérience qui se décide à 2, à 3, à 4, à 5, avec une règle. C'est avant tout une usine, une licorne, un pot de chambre, une vache, un chien, une girouette, une crêpe au jambon, une guerre, une serre, un terreau, un œuf, un pot de moutarde, renversé sur un bureau, une poursuite, un vol, une image, une raclette, une occupation à l'année. L'amour, ça peut se décliner aussi comme un verbe, j'amourais, nous amourions, vous amurte. C'est aussi un plat végétarien que l'on se met à aimer car l'autre l'aime. Et puisque l'autre nous aime et aime ce plat, on se dit que c'est bon. Une balade sur la mer ou baiser dans un silo, une gifle, une griffe, un cri dans une cuisine équipée. Dans une cuisine équipée d'un robot mixeur en marbre. L'amour, un bille. Le mensonge, l'adultère, le progrès, la peur. C'est une série d'instruments qu'il faut continuellement accorder. Et je n'aurai besoin d'aucune musique pour conclure sur le sexe. Le sexe infiniment renouvelable n'est pas que ce que l'on croit. C'est aussi autre chose. Il a été prouvé récemment, scientifiquement, que le sexe était aussi un moyen de communiquer avec des peuplades extraterrestres extrêmement éloignées. Oui, il a été prouvé par une petite équipe formée de sexologues et d'astronomes que selon les positions sexuelles pratiquées par les partenaires, il était possible d'atteindre, du moins d'envoyer des messages télépathiques à des tribus extraterrestres situées parfois au-delà des limites de notre système solaire. Et la sodomie semblerait être le moyen le plus efficace pour atteindre... Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. C'est le monde des gens qui se rencontrent dans un environnement festif pour échanger des idées sur le monde ou bien parler de leur quotidien, des petits tracas, des grands tracas, des petites joies, des grandes joies, des tout petits drames, des grands drames, des choses moyennement extraordinaires, des choses vraiment extraordinaires. Il y a parfois des gens qui essayent d'obtenir un échange sexuel et cela peut totalement tomber à plat. Oui, c'est déjà arrivé. Oui. Il nous a été rapporté que certaines personnes, pour se sentir plus à l'aise et désinhibées, avaient parfois recours à l'alcool. Et à la drogue. La drogue. La drogue. La drogue. La drogue. La drogue. La drogue. Qui rend la situation bien plus jolie qu'elle n'est. Qui rend, mélangée à l'alcool, la situation deux fois plus jolie qu'elle n'est. Les garçons sont plus beaux, sont plus drôles. Les filles sont plus belles, sont plus drôles. Toutes les discussions deviennent extraordinaires. Même les discussions des marques de croquettes utilisées pour son chat. Même les discussions autour de l'étanchéité des élastiques de sous-vêtements. Même les discussions approximatives et très mal documentées sur des événements historiques majeurs. Et cela marche aussi pour les filles, et cela marche aussi pour les garçons. Comment est-ce possible qu'une personne qui ne faisait vibrer aucune des molécules de votre corps à 18h semble se transformer soudainement à 4h du matin en une poule de lumière multicolore? Eh bien, cela est dû à trois facteurs. Le premier, la drogue. Le deuxième, l'alcool. Et le troisième, l'alcool et la drogue mélangées. Bonsoir tout le monde, bienvenue au 23e concours de l'Union Européenne et de la drogue. Trop, trop, trop, trop, trop. sont représentés ce soir 7600 pays de l'Union Européenne. Le principe est simple, chaque participant a devant lui une certaine quantité de drogue qu'il doit ingérer dans un temps limité. Et ensuite, on verra bien. On ne copie pas, merci. Voilà. On prend bien toute la drogue jusqu'au bout. Tout, tout, tout. On utilise bien les accessoires, merci. Il reste encore 20 secondes. Toutes les familles sont réunies. Ici, on se permet tous les mélanges. Keta, coke, micro-pointe, absinthe, extra, DMT. Et le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Temps.